Il avait tout connu, de Brest à l'Indochine, de l'école des mousses aux pêches de l'Orient. Bateau des premiers quarts, le temps des camarades, des braillés d'uniformes, de nouveaux horizons. Il avait tout connu dans ce beau jeu de rôle. Passage de la ligne à minuit sur le pont. Il avait tout connu de Brest à l'Indochine et le voilà surpris de partir pour de bon. Voici le dernier quai et le dernier sillage, à moi les matelots et ma vie pour drapeau. Voici le dernier quai et le dernier voyage, les vagues de la mer tatouées sur ma peau. New York, un matin froid, bâton rouge, la Louisiane, le chewing-gum et le jazz sur un grand Liberty. Il croisa Louis Jouvet, ses femmes et ses bouteilles, sur le pont d'un théâtre illuminé de pluie. Casablanca la douce, Saïgon la rebelle, toujours entre deux mondes, toujours entre deux vies. Et sur ce vieux vapeur, retour de Martinique, il s'en revient encore pour un tout dernier cri. Voici le dernier quai et le dernier sillage, à moi les matelots et ma vie pour drapeau. Voici le dernier quai et le dernier voyage, les vagues de la mer tatouées sur ma peau. Quelques navires encore et leur cheminée sale, lui au fond de la cale, dégoulinant de suie. Dans un trait de mazout, vivre auprès des tropiques, suant le pétrole noir, dans un goût de whisky. Quelques photos de Chine sur l'album de famille, des rêves qui nous suivent sur les photos jaunies. Au hasard des escales, la chance de revivre une dernière fois son paradis perdu. Voici le dernier quai et le dernier sillage, à moi les matelots et ma vie pour drapeau. Voici le dernier quai et le dernier voyage, les vagues de la mer tatouées sur ma peau. Voici le dernier quai et le dernier sillage, à moi les matelots et ma vie pour drapeau. Voici le dernier quai et le dernier voyage, les vagues de la mer tatouées sur ma peau.